Portrait d'assaut sur Fadjet. Portrait d'assaut, aujourd'hui, va nous permettre de parler monnaie locale. Il y en a plusieurs en France avec des noms plutôt originaux tels que gentiane, luciole, abeille. En Meurthe-et-Moselle, à Nancy et dans sa région, c'est le florin. Pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Sam. Bonjour. Bonjour. Bénévole de l'association Le Florin. Alors en quelques mots déjà, une monnaie locale, c'est quoi ? Alors effectivement, une monnaie locale, il y en a un petit peu partout et le principe, c'est des citoyens, des citoyennes qui se regroupent avec des associations, des entreprises pour créer une monnaie qui va circuler sur un territoire en particulier et qui va venir en complément de l'euro et qui va venir apporter des petits bénéfices que l'euro ne peut pas forcément amener de par son fonctionnement. Donc depuis 2017, toi, ce lien avec la monnaie locale, tu l'as depuis quand ? Depuis le début, hein. Je fais partie de l'équipe de bénévoles qui ont lancé le projet en 2015 et puis qui a abouti par la sortie des premiers billets en 2017. J'ai eu la chance de voir le florin naître depuis sa conception jusqu'à maintenant. Parce que c'est quelque chose qui est quand même très encadré. Hein. 2015, ça correspond à un an après la loi de 2014, la loi Hamon, parce que les monnaies locales avant n'étaient pas forcément très reconnues. Maintenant, c'est reconnu. Oui, tout à fait. On est cadré par la loi qui explique ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, ce qui permet à la fois de nous donner un cadre sécurisant et puis aussi de rassurer toutes les personnes ou toutes les entreprises, associations qui vont l'utiliser sur le fait qu'elles sont protégées dans le cadre de la loi. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer des florins ? À Nancy ou ailleurs ? Deux façons pour s'en procurer. La première, aller dans un de nos nombreux bureaux de change. Là, on est dans les locaux de Fadjet, pas très loin du centre-ville de l'hypercentre de Nancy. Et le plus proche, c'est probablement la boutique Vététique, qui fait du commerce équitable pas très loin d'ici. Et il y a une quinzaine de bureaux de change répartis sur la Meurthe-et-Moselle, l'Ouest Vosgien et puis les côtes de Meuse. Vous rentrez, vous adhérez à l'association si c'est pas fait, et ensuite vous donnez des euros et vous récupérez autant de florins en échange. La deuxième possibilité, c'est de le faire en ligne en installant l'application du florin. Vous pouvez aller sur notre site www.florin.fr pour avoir toutes les infos. Et là, vous allez pouvoir changer des florins en version numérique. Donc un florin égale 1 euro. Oui, ça fait partie des choses qui sont cadrées par la loi. Donc c'est relativement récent quand même la monnaie locale, mais ça a bien pris. Ouais, on est assez content du développement, dans le sens où quand on a commencé, il y avait 12 000 florins mis en circulation en 2017 et aujourd'hui on est à 250 000. Circule de plus en plus auprès de 250 entreprises et associations. Et puis, il y a un peu plus de 400 particuliers qui utilisent quotidiennement le florin. On aimerait que ça prenne encore beaucoup plus. On a des ambitions plus grandes pour la suite. Notamment, on invite tous les particuliers particulières qui en auront envie à adhérer à l'association et à s'emparer du florin, qui est un super outil de développement du territoire, de soutien d'une économie plus écologique, plus sociale, plus solidaire. C'est sur cet axe-là notamment qu'on aimerait développer et c'est pour ça qu'on est très content de venir parler du florin à Fadjet. Avant, le florin, c'était surtout des billets, chose vraiment de palpable. Le fait que ça passe de manière un peu dématérialisée, en numérique, ça peut aider aussi à son développement ? Oui, on a fait le choix de passer au numérique en 2020 pour deux raisons. La première, c'est qu'on a vu avec le Covid comment évoluaient les habitudes des Français et des Françaises en matière de paiement et notamment en paiement dématérialisé. Et la deuxième raison, c'est qu'on voit aussi que ça nous permet de toucher un public beaucoup plus jeune qui est plus forcément habitué à avoir de la monnaie dans la poche. Une adhésion pour le florin, c'est combien alors ? Une adhésion pour le florin pour des particuliers, c'est un montant au choix à partir de 6 euros. Et pour les personnes qui en ont les moyens, on les invite à mettre 24 euros par an. Soit 2 euros par mois, ce qui nous permet, nous, de payer nos frais de fonctionnement qui sont notre salarié, notre loyer, etc., etc. Et donc après, comment ça se passe ? Soit sur le site, soit dans un bureau de change, on arrive avec de l'argent physique ou autre, ouais. Et on reçoit des florins en échange, c'est ça, tout simplement. Ouais. Si je suis dans un bureau de change, je vais donner des euros en billets ou en chèque. Nous, on préfère les billets, c'est plus simple à gérer, mais c'est possible aussi en chèque. Et puis, on va donner autant de beaux billets en florins, qui sont de 1, 2, 5, 10 ou 20 florins. En numérique, c'est encore plus simple. La personne, quand elle va ouvrir son compte, va créer un virement automatique d'un montant de son choix. Et tous les mois, ce virement va être prélevé sur son compte et elle va recevoir immédiatement autant de florins sur son compte florin, qui va lui permettre ensuite de payer en version démat. Et donc, dans des entreprises forcément locales, vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui adhèrent au florin ? Ouais, on a à peu près 200 entreprises et une cinquantaine d'assos. ce qui permet de payer beaucoup de choses très différentes en Florin, des vêtements, de la nourriture beaucoup, de sortir, d'aller manger au resto, d'aller se divertir au théâtre. Il y a vraiment une grande variété de ce qu'on peut faire en Florin, y compris d'ailleurs pour les entreprises. Par exemple, on a une comptable qui accepte les paiements en Florin, donc là, ça ne va pas concerner les particuliers, mais c'est quelque chose de très pratique pour les entreprises qui reçoivent des Florins et qui vont les redépenser ensuite. Par exemple, auprès de cette comptable. Donc, toutes les entreprises, en fait, peuvent adhérer au Florin ou il y a quand même certaines limites ? Alors, il y a deux limites. La première, il faut que ce soit des entreprises locales. On n'a pas vocation à faire adhérer des multinationales ou des boîtes qui auraient leur siège de décision très loin. Et la deuxième, c'est il faut que ce soit des entreprises qui s'engagent un minimum sur des valeurs d'écologie, de lien social, de solidarité. On a ce qu'on appelle une commission d'agrément qui est composée de bénévoles du Florin, de particuliers et particulières utilisateurs et puis d'entreprises qui sont membres du Florin qui tous les mois se regroupent pour examiner les candidatures des nouvelles structures et pour dire oui ou non en fonction justement de ces valeurs. Donc on va vraiment défendre voilà, une économie qui respecte l'environnement, les êtres humains, la diversité, etc., etc. Et si on veut, en tant que particulier, trouver ces entreprises, tous les lieux où on peut utiliser ces Florins, je suppose qu'il y a une sorte d'annuaire, le site internet du Florin recense tout ça ? Oui, tout à fait, www.florin.fr. Vous avez la liste complète de ces entreprises, qui permet aussi de voir un petit peu, découvrir la diversité justement de ces acteurs engagés sur le territoire. Il y a beaucoup de pédagogie quand même encore à faire sur ces questions-là, d'expliquer, de rassurer aussi sur le Florin et les monnaies locales. Oui, et même sur l'économie sociale, solidaire, écologique en général, on voit qu'il y a souvent beaucoup de super initiatives, mais qui sont très peu connues. Bah, c'est une des vocations du Florin que de justement dire aux particuliers, quand vous avez des Florins dans la poche, ça va vous inciter à aller découvrir et soutenir cette économie-là, plutôt que les GAFAM, les imports dont on ne sait pas trop d'où ça vient et dans quelles conditions ça a été produit, etc. etc. Bah, nous, on a envie de défendre cette économie porteuse de valeur, créatrice d'emplois, qui permet de développer le territoire, qui crée des solidarités en local. Et le Florin, c'est un des outils possibles pour faire ça. Et donc le Florin, c'est aussi une association. Comment vous fonctionnez aujourd'hui ? Vous êtes nombreux pour gérer cette association ? Oui, alors toutes les personnes qui utilisent le Florin sont adhérentes à l'association. Mais dans la pratique, on est aujourd'hui une trentaine de bénévoles, une salariée. Pendant un certain temps, on en avait deux salariés, mais malheureusement, notre équilibre économique nous a poussé à revenir à un seul emploi. Et on a un fonctionnement qu'on essaie d'avoir le plus horizontal possible. Donc sur les 30 bénévoles, il y en a une quinzaine qui sont vraiment actifs de manière très très régulière, et puis une quinzaine qui sont plutôt des bénévoles coup de pouce, qui vont venir sur des événements, venir à un stand de présentation du Florin de temps en temps. Et on a vraiment cette envie de travail très horizontal. On n'a pas de président ou de présidente, on a des bénévoles qui pendant un an ont des mandats pour intervenir sur certains points, la trésorerie, la représentation de l'asso ou autre. Et puis, on essaie de vraiment prendre un maximum de décisions collectivement sur comment on fait vivre notre monnaie locale. Vous avez parlé peut-être aussi d'actions pour faire connaître le Florin. Vous avez des temps forts dans l'année où vous êtes plus ou moins présent ? Oui, effectivement, on a des événements très réguliers où vous pouvez venir nous rencontrer. Tous les événements un petit peu écolo, engagés, militants, on essaie d'être là avec un stand du Florin. On a des partenariats qui font que de temps en temps, on tient des stands à des endroits plus ou moins surprenants. Régulièrement, en ce moment, on a des stands du Florin à l'autre canal pendant les concerts. On nous invite à être présents. Et puis notre gros événement qu'on organise en direct, c'est le Florin sur la place qui aura lieu le samedi 17 mai prochain, place Charles III, où on a peut-être une quarantaine d'entreprises membres du Florin qui vont venir vendre pendant toute la journée ce qu'elles produisent. Donc vous allez avoir une grande diversité de propositions différentes et que vous pourrez retrouver en venant vous balader place Charles III, donc la place du marché, et vous pourrez découvrir le Florin et dépenser en Florin, puisque l'intégralité des stands présents seront tenus par des commerçants membres du Florin. Le 17 mai. Le 17 mai, toute la journée, place Charles III. Et ces occasions-là, donc on rencontre des gens qui ne connaissent pas les monnaies locales. Est-ce que des fois il y a des remarques, des questions un peu curieuses sur cette question-là justement ? Oui, on en a un petit peu dans tous les sens. De temps en temps, on a des gens qui se demandent si c'est pas quelque chose qui est contre l'euro. Alors non, pas du tout, on est bien une monnaie complémentaire. Notre but, c'est d'amener des petits plus. Le petit plus étant toute cette logique de coopération. Quand je dépense chez un professionnel avec des euros, je sais pas forcément ce que ces euros vont devenir. Si je le fais avec des florins, je sais que ce professionnel va lui-même être incité à trouver un autre professionnel dans le réseau auprès de qui les dépenser. Donc on a vraiment cet effet de cercle vertueux, de coopération entre les acteurs du territoire qui se crée. Mais c'est pas du tout une monnaie de repli pour autant. C'est juste une monnaie qui vient faire des ajouts positifs à ce que peut faire l'euro en tant que tel. C'est la principale question qu'on nous pose souvent et sur laquelle on est amené à répondre du point de vue du côté des particuliers. Donc le 17 mai, on n'hésite pas à venir à votre rencontre, de s'investir, de devenir adhérent du florin et d'échanger quelques florins et de dépenser ces florins sur place avec les entreprises qui sont eux-mêmes adhérentes. On retrouve donc tout ça, les infos sur le site internet, les réseaux sociaux également. Ouais, www.florin.fr et puis effectivement, on communique un petit peu sur les réseaux sociaux. Je vais pas forcément faire la pub, mais vous doutez, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez facilement. Merci beaucoup Sam, et puis à bientôt. Merci beaucoup pour l'accueil et à bientôt. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.